Jim l'assassin, VALD Valentin. C'est tout pour moi. La vie a fait que je suis dur, pas besoin de camagra. J'agis pour mon futur, pour mes beignets de calamar. Rings. Quelques points de suture cachés sous ma carapace. Aucun suspect parmi mes camarades. Arrêter les cours, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Tout le monde te l'avait dit, mais t'as commis des crimes. Bim, dans sa chatte tout le holiday. Plus violent que manifestant contre policier. J'ai tellement de trucs, on dirait que je marche broliqué. Tout ce profit fait, faudrait que je pense à profiter. Faut que je reprenne le shit, là j'ai bien trop d'idées. Je merci, je suis né pour dominer. Pas ken les chats qui ressemblent à gros minet. Mère apaisée que dans le coquillage. Mère apaisée, donc pas le temps pour le copinage. J'ai trop bédave, là je ressemble à Gorillaz. Message de Nikita, du compte officiel. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'passe le relais, j'dis à mon fils de pas pleurer. Regarder le shit à neuvrer, d'apprendre à manœuvrer. Quand je rallie, me dégaine la grimace de la levrette. Plus qu'Aira qu'un pirate de garde l'Est. J'inhale que de la BR. J'débarque en Guadeloupe, Timal, c'est moi le gouer. Hey. Fuck Lignac, j'ai la recette. Comme un K47, j'suis génial, même à l'ouest. Je me connais bien, je suis pas un psychopathe. C'est eux qui vont tuer des gens pour ceux qu'ils idolâtrent. Prétentieux comme Nicolas, grosse haleine, pas de ricola. J'écoute quand son clito parle, c'est jamais de la rigolade. Hey, mythomane, t'es tellement touché, t'as les yeux rouges comme Bioman. T'es étouffé comme sous 93 kg. Trop rabat derrière sniper, j'passe du rire aux larmes. Passe du Rirolin, Rirolin. Hey. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. Hein? J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid hein. On en est qu'au début. J'coupe la souille au Red Bull. Donc je retire l'opercule. J'emballe la molécule. Venez pas dans nos loges. Faites gaffe à vos réputes. Mauvaise pute, tes ovaires brûlent. Ok ouais. J'me ressens dans Berserk et ses passions. J'attends la dernière révélation. J'erre dans les ténèbres et ses nations. Toutes les demi-heures, célébration. Scred est dangereux comme une arme blanche. Je me lève en sachant que ça n'a pas de sens. Je veux voir ton âme, je veux te prendre par devant. Mes bonnes actions changent pas mon reflet dans la mare de sang. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi. J'ai envie de me susciter comme Kid Cudi.